Dame, comme je les ai dérangés inutilement, je laisse 10 francs sur la cheminée. C'est si bon et si doux, ces hommes-là. J'ai découvert à la pitié un petit interne qui est joli comme un ange, et qui est poli, et qui travaille, le pauvre garçon. Ses camarades m'ont dit qu'il n'avait pas le sou, parce que ses parents sont des pauvres, qui ne peuvent rien lui envoyer. Cela m'a donné confiance. Après tout, je suis assez belle femme, quoique pas trop jeune. Je lui ai dit, viens me voir souvent. Et avec moi, ne te gêne pas, je n'ai pas besoin d'argent. Mais tu comprends que je lui ai fait entendre ça, par une foule de façons. Je ne lui ai pas dit tout crûment. J'avais si peur de l'humilier, ce cher enfant. Eh bien, croirais-tu que j'ai une drôle d'envie, que je n'ose pas lui dire? Je voudrais qu'il vienne me voir avec une trousse et son tablier, même avec un peu de sang dessus. » Elle dit cela, d'un air fort candide, comme un homme sensible, dirait à une comédienne qui l'aimerait, « Je veux vous voir vêtu du costume que vous portiez dans ce fameux rôle que vous avez créé. » Moi, m'obstinant, je repris. « Peux-tu te souvenir de l'époque, de l'occasion, où est née en toi cette passion si particulière ?» Difficilement, je me fis comprendre. Enfin, j'y parvins. Mais alors, elle me répondit d'un air très triste, et même, autant que je peux me souvenir, en détournant les yeux. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Quelle bizarrerie ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se promener et regarder? La vie fourmille de monstres innocents. Seigneur mon Dieu, vous le Créateur, vous le Maître, vous qui avez fait la loi et la liberté, vous le souverain qui laissez faire, vous le juge qui pardonnez, vous qui êtes plein de motifs et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de l'horreur pour convertir mon cœur, comme la guérison au bout d'une lame. Seigneur, ayez pitié des fous et des folles. Ô Créateur, peut-il exister des monstres aux yeux de celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits, et comment ils auraient pu ne pas se faire?